Sur le bord de mon nuage, je vois des amoureux de passage. À chaque paysage, des mots doux et des visages. Quand est-ce que je descends? Souffler à tous les enfants que l'amour est important. Sur le bord de mon nuage, je vois des facteurs rapides. À chaque virage, des boîtes aux lettres bien vides. Quand est-ce que je descends? Dire à tous ces gens qu'écrire est important. Sur le bord de mon nuage, je vois des automobiles. Dans toutes les villes, faudrait les rentrer au garage. Quand est-ce que je descends? Crier à tous les grands que marcher est important. Sur le bord de mon nuage, je vois les océans. De plus en plus souvent, depuis que le blanc se couche dedans.